Le porte-parole du ministère coréen des Affaires étrangères a critiqué dans sa réponse donnée à un correspondant de l'Agence télégraphique centrale de Corée le 1er septembre les États-Unis qui parlent toujours de la sanction et de la pression. Il a dit notamment « Le 29 août, l'assistant adjoint du Conseil de la sécurité nationale de la Maison-Blanche a mis en cause dans une conférence de presse nos mesures justes de renforcement de la dissuasion nucléaire, y compris le lancement d'essais d'engins balistiques de sous-marins stratégiques en plongée et prétendu la mise en œuvre de la sanction et la nécessité de multiplier la pression. Il semble que les États-Unis envisagent la sanction et la pression comme une ordonnance toute puissante, mais c'est l'expression de l'ignorance. » Malgré l'ascension inouïe des dizaines d'années, nous sommes aujourd'hui au rang des puissances nucléaires du fait de la mise en valeur constante de la capacité de nous renforcer nous-mêmes. Un haut fonctionnaire du Conseil de la sécurité nationale de la Maison-Blanche parle encore de la dénucléarisation, ce qui montre que les États-Unis sont encore en sommeil. Notre ligne en matière de promotion simultanée de l'édification économique et du renforcement des forces nucléaires est non une solution provisoire pour faire face à la situation urgente, mais c'est une ligne stratégique à maintenir tant qu'existe la menace nucléaire et l'arbitraire de l'impérialisme. Nous y resterons fidèles sans rien céder. Il est temps que les États-Unis regardent correctement la position stratégique de notre pays qui est au premier rang des puissances nucléaires et soient prudents dans la conduite et les paroles. Si les États-Unis agissent à la légère en criant à la sanction sans rien changer, les conséquences seront plus catastrophiques.